dont elle est le support qu'elle a pour objet principal. Et c'est cela que je dénonce. Le vecteur en est l'anglais. Je m'empresse d'ajouter, avant de terminer ma réponse un peu longue à votre question, mon cher, qu'il y a aussi, parmi les gens qui cultivent cette langue, des esprits libres, et que l'anglais sert de support aussi bien à la pensée unique que je dénonce, qu'à une chanson révolutionnaire, un certain nombre d'écrivains, d'artistes, qui, dans cette langue, mais aussi dans d'autres langues, mais notamment en anglais, je dis ça pour qu'on ne croit pas que je considère que l'anglais est le support uniquement de cela, il est aussi le support d'une pensée libérale, libertaire, pas libérale, libertaire, défendant la liberté contre la fausse liberté, qui est le libéralisme, c'est-à-dire la liberté de faire de l'argent en profitant des malheureux qui sont incapables d'en faire et qu'on exploite. Et vous iriez jusqu'à, au fond, quoi, parler de ce qu'on vit, de la crise financière aujourd'hui, comme étant, au fond, une crise qui serait une crise d'une bulle linguistique, et qui n'est d'ailleurs que pas au fond... Que dire par bulle linguistique au fond, qu'il y a une nouvelle bulle linguistique qui s'est formée avec cet anglais passe-partout qu'on appelle le globish, et qui a formé ou déformé les esprits jusqu'à, justement, diffuser partout une pensée molle qui finit par, au fond... éclaté. Et que tout viendrait au fond de là, d'une question de langue, de langage. Non, je ne dis pas exactement cela. Tout en étant linguiste, je n'ai pas la démesure ou la folie de vouloir tout attribuer à tout ramener à la langue. Bon. Non, je ne dis pas cela. Ouais. Il y a d'autres éléments de la culture que les langues. Alors, ce que vous dites qui est très intéressant, et je vous autorise complètement une réponse longue là aussi, parce que le chapitre est passionnant, c'est que, et peut-être faut-il être optimiste du coup, vous dites au fond, les choses quand même tournent et évoluent, et à une époque par exemple, qui a été longue, le français a plus dominé l'anglais que l'inverse. Et là, vous donnez plusieurs cas de mots, enfin que moi, dont moi j'ai appris évidemment la plupart, où c'est vraiment fascinant. Ce n'est pas le français qui a dominé l'anglais. C'est une langue qui en est l'ancêtre, voilà. Qui est un de ses ancêtres. C'est-à-dire, c'est la variante normande du français du XIe siècle. Quelque chose quand même d'assez différent du français moderne dans lequel nous entretenons en ce moment. Donc, à ce moment-là, l'invasion de l'Angleterre par du Guillaume de Normandie, qu'on appelle simplement le conquérant, c'est l'absurdité française. Les Anglais appellent William the Bastard parce qu'il était bâtard, en effet. Son père s'étant épris d'une belle Normande, sans l'épouser, tout en ayant donné à son fils une très bonne éducation. Eh bien, Guillaume de Normandie envahit l'Angleterre parce qu'il considère que le trône lui en revient. Et à ce moment-là, avec lui, l'aristocratie normande et les marchands également, tout un grand nombre de gens de ce qui était à l'époque, correspondrait à la France du centre et de l'ouest d'aujourd'hui, arrivent avec une langue qui est le français en gestation, mais qui n'est pas du tout le français d'aujourd'hui, une langue latine, une langue néo-latine, romane, qui est la variante normande du français. Le paradoxe, c'est que ces Normands eux-mêmes, il n'y a même pas 200 ans qu'ils ont été francisés, car quand ils sont arrivés et qu'on leur a donné à Normandie le roi Charles le Simple pour se débarrasser d'eux, car c'était des vikings hirsutes et redoutables, très inquiétants, on les a évangélisés, ils se sont francisés, et ils ont perdu leur langue, qui était le norrois, l'ancêtre du norvégien d'aujourd'hui. En d'autres termes, ces gens, paradoxalement, apportent en Angleterre une variante ancienne du français, qui n'est évidemment pas le français d'aujourd'hui, alors qu'eux-mêmes, ils ont été francisés moins de 200 ans plus tôt. Vous pouvez me redire, je trouve ça passionnant, par exemple, l'évolution et comment ce qu'a voulu dire, et d'où vient le mot, en anglais, le suite, c'est un mot français. Oui, par exemple. À l'origine, désigne les gens qui accompagnent... Suit, c'est un costume en anglais, a priori. Oui. Bon, aujourd'hui. Aujourd'hui, là. Mais les gens qui accompagnent, d'où ça vient? Les gens qui accompagnent un seigneur et qui tiennent, les pages notamment, qui tiennent les bords de son grand costume... Et par conséquent, par extension, ça finit par devenir les gens qui se rangent à son avis, qui sont sous son autorité, qui exécutent ses ordres, qui le défendent le cas échéant contre ses adversaires. Et ce terme, par conséquent, prend une extension considérable, il devient de plus en plus important, et tous les sens médiévaux qu'il avait, il les garde. Tandis qu'en français, le mot « suite », dont l'ancêtre du français est la base de ce mot, eh bien, connaît une très grande réduction de ses sens, il n'a pas cette extension. Et plus généralement, bon, vous me citez celui-là, on pourrait en citer un grand nombre d'autres. Ah oui, il y en a beaucoup. Ce que l'anglais a de particulier, c'est que les mots franco-normands qu'il a hérités du moment dont je viens de parler, eh bien, ils gardent leur richesse sémantique, leur énorme zone de dispersion, alors que le français, en taillant de plus en plus... À mesure que la langue devient la langue de l'autorité, l'Académie française, beaucoup plus tard, sera un des exemples de la façon dont le français est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une langue très pauvre. Contrairement à ce que l'on croit, la pauvreté du français étant évidemment une richesse, parce que pauvreté veut dire élimination des synonymes, veut dire précision, veut dire acuité du sens contenu par chacun, et par conséquent, la pauvreté du français, contrairement à l'idée qu'on se fait dans le grand public, est un immense avantage du français. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et quant aux oppositions comme celles que vous mentionné tout à l'heure par allusion. En même temps, les masses anglo-saxonnes, qui, elles, c'est surtout l'aristocratie normande, la cour qui est francisée, mais les masses se fichent pas mal du français ou de sa variante anglo-normande. Ce qu'elles parlent, elles, c'est l'anglo-saxon, qui est en train de devenir la langue principale et qui, dont l'anglais d'aujourd'hui est l'héritier. Et on a par conséquent de nombreux doublés, c'est-à-dire des couples de mots dans lesquels une même réalité est désignée par deux mots différents en fonction des occupations de chacun. Ainsi, on a beef et ox. Beef désigne le bœuf que l'on consomme parce que c'était celui qui arrivait sur la table et dans les assiettes des aristocrates de la cour, tandis que ox, qui n'est pas un mot latin, qui n'est pas un mot d'origine franco-normande, c'est un mot anglo-saxon, il désigne la bête sur pied, c'est-à-dire le bœuf avant le sort malheureux qu'on lui réserve pour se le farcir. Dès lors, on a affaire ici à une opposition entre deux termes désignant sous deux formes différentes, sur pied ou en assiette, une même réalité. Et ça, c'est à l'image même de ces deux cultures confrontées. L'une, c'est celle des masses paysannes, d'éleveurs, d'agriculteurs, qui sont très peu marquées par le français. Et l'autre, c'est celle de l'aristocratie. Et ensuite, des apports réguliers de marchands qui vont venir du Poitou, de Normandie, d'un certain nombre d'autres provinces du nord et du centre de la France. Donc, alors, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut laisser vivre les langues telles qu'elles évoluent, quitte à déplorer parfois de la domination de l'une sur l'autre, mais parce qu'au fond, les choses changent ? Ou est-ce qu'il faut, parfois, au contraire, légiférer, intervenir sur... Il faut se battre pour la diversité. Ma cible principale dans ce livre, contrairement peut-être à l'impression qu'on peut en avoir eue, qui serait mauvaise, n'est pas l'anglais. Je n'ai rien contre l'anglais, au contraire. J'aime l'anglais comme n'importe quelle langue. Ma cible principale, c'est les risques que l'on fait courir à la diversité. Et par conséquent, mon objet principal, ce pourquoi je me bats, c'est cette diversité. D'un certain côté, on peut rester tranquille, calme, serein, parce que la diversité est une loi naturelle. Les espèces naturelles, de la biologie, de la zoologie, de la botanique, évoluent sans cesse en se diversifiant. Si on considère la langue par certains de ses aspects, pas par tous, comme étant aussi une espèce naturelle, elle est soumise à la même loi. Elle se diversifie. Donc, l'anglais, comme il commence à le faire d'ailleurs, se créolisera, se diversifiera, et tout cela peut nous laisser sereins. Néanmoins, ce qui fait que l'anglais a quand même devant lui encore des beaux jours, c'est que contrairement au latin, autre langue à diffusion mondiale qui a été pendant très longtemps, au moins en Europe, c'est moins vrai naturellement pour le centre de l'Asie, le sanskrit faisait ce que le latin fait en Occident, et le chinois confucéen, le chinois des classiques bouddhistes ensuite, faisait la même chose pour l'Extrême-Orient. Mais en tout cas pour l'Europe, la diffusion du latin, au bout de très peu de temps, a perdu tout caractère redoutable. Pourquoi ? Parce que le latin n'était pas la langue officielle d'un pays, c'est une langue de culture, de savants. Tandis que ce qui assure à l'anglais, en dépit de la loi de diversification des espèces que je viens de citer, pour quelque temps, semble-t-il, et par conséquent, qui justifie le combat contre l'anglais sur ce point, une grande pression encore, c'est l'énormité et la puissance des moyens de diffusion, satellites, etc. Et cela, c'est sans précédent dans l'histoire humaine. Nous n'avons jamais eu de langue à diffusion mondiale qui soit soutenue par des moyens aussi puissants. Néanmoins, je considère que la diversification, la créolisation, qui est en train de se passer, comme je l'ai dit pour l'anglais, et le désir de diversité qui est... fiché dans l'âme humaine depuis toujours, triomphera de tout cela. 8h16 les matins, la chronique et la partie, le moment du débat. Brice Couturier, bonjour à vous. Bonjour Marc Vachet. Évoquant la résistance à l'occupant nazi, rien moins, vous nous appelez Claude Agège à une nouvelle résistance contre ce que vous appelez l'entreprise mondialisatrice d'initiative américaine. À vos yeux, la domination culturelle de l'anglais dans le monde des affaires, de la science, dans les industries de la communication et du divertissement, eh bien, cette domination est le fruit d'un véritable complot. Vous voyez dans la mondialisation de la culture et de l'économie un moyen imaginé par les idéologues de la suprématie américaine pour supprimer la diversité afin de mieux écouler avec ses modes de vie les productions frelatées et les façons de penser des États-Unis. Alors, les métaphores véhiculées par votre anti-américanisme renvoient à une vision du choc des cultures fortement imprégnée de darwinisme social. Je vous cite « L'oligarchie politico-économique des États-Unis est semblable à une espèce vivante dominatrice et prédatrice dans la mesure où ses recettes lui ont valu un avantage biologique expansionniste, etc. etc. » Page 137-138. On est là dans le registre biologisant de la lutte des espèces pour la survie. Mais j'ai l'impression que cette vision du monde où, pour vous citer encore, l'exportation de l'anglais joue un rôle essentiel dans la diffusion de l'idéologie américaine, date quelque peu. Elle date, me semble-t-il, parce qu'il y a bien eu jusque, s'il y a bien eu jusque dans les années 60, en tout cas avec De Gaulle, une idéologie française, un message de la France conforme à nos intérêts de puissance et porté par notre appareil diplomatique, je me demande à quoi pourrait bien ressembler cette fameuse idéologie américaine dont vous parlez dans les États-Unis d'aujourd'hui. Au déconstructivisme relativiste qui règne dans les universités, au paléo-marxisme radical des Noam Chomsky et autres Michael Moore, au populisme anarcho-capitaliste du Tea Party, au réalisme libéral de Barack Obama. Il n'y a pas, il n'y a plus, depuis la fin de la guerre froide au moins, d'idéologie américaine utilisée par l'État fédéral à des fins de projection de puissance telles que celles que vous décrivez. Ou plutôt si, mais elle est minimale, c'est la volonté d'ouverture des nations aux échanges économiques et culturels. Et vous la condamnez, cette ouverture, au nom du droit des États à contrôler ce qui circule entre eux. Vous écrivez, je cite, que le souci d'abolir les frontières qui filtrent et dissimulent l'information, selon les mots d'un ex-président du Federal Communication Office, eh bien, ce souci d'abolir les barrières, je vous cite, témoigne d'une volonté perverse, je vous cite à partir de maintenant, de récuser la maîtrise de récuser la maîtrise que chaque État doit légitimement posséder sur toute information qu'il reçoit et envoie, prérogative d'un État libre. Ainsi, au nom de ce que vous appelez la souveraineté culturelle, vous vous opposez explicitement à la libre circulation de l'information dont vous faites une revendication libérale et américaine. Or, c'est au nom de ces principes que la Chine tente de contrôler Internet et de censurer les productions culturelles qui lui déplaisent. Approuveriez-vous ses dirigeants ? En outre, la révolution numérique, Internet, les réseaux sociaux, les antennes satellitaires qui vous déplaisent tant, rendent l'exercice de cette souveraineté culturelle de plus en plus illusoire et qui s'en plaindrait. D'ailleurs, les grands gagnants de la mondialisation, je ne vous l'apprends pas, ce ne sont certainement pas les Américains, mais les Chinois, les Indiens, les Brésiliens. La balance commerciale des États-Unis, la plus déficitaire du monde, en témoigne tous les jours. Enfin, en ce qui concerne les effets désastreux que l'usage de l'anglais aurait sur les savants qui sont nés avec d'autres langues maternelles, je voudrais vous opposer le cas de ces esprits supérieurs, éduqués en allemand et qui, à cause des persécutions nazies, ont trouvé refuge aux États-Unis pendant la guerre et y ont poursuivi en anglais leurs travaux. Léo Strauss, Eric Voegelin, Anna Arendt, Judith Sklar, Hans Kohn, Théodore Adorno et tant d'autres. Je n'ai pas l'impression que leurs pensées s'en soient trouvées ni formatées ni appauvries. Au contraire. Vous me citez des gens qui appartiennent aux sciences humaines. Les gens dont la pensée est appauvrie et qui ne peuvent pas, faute d'utiliser leur langue maternelle parce qu'ils remettent leurs travaux à des revues qui sont uniquement anglophones, ce sont des gens des sciences dures, des sciences exactes et pas du tout des gens des sciences humaines, que, pourchassés par le nazisme et mis en très grand péril, un très grand nombre de penseurs des sciences humaines européens aient trouvé refuge aux États-Unis, personne ne les niera, c'est un fait historique. Et qu'ils ont écrit en anglais, et la majorité de leur œuvre en anglais, et que cette œuvre conserve un intérêt fantastique. Ils l'ont fait pour la bonne raison qu'ils sont allés dans un pays anglophone, c'était pas leur langue d'origine. D'autre part, ce que je dis, vous semblez avoir lu le livre, mais peut-être pourrais-je vous inviter à le relire encore, c'est que la mondialisation, à certains moments, est apparue comme la dernière arme des États-Unis pour conjurer leur déclin, que par ailleurs d'autres s'en soient saisis, et qu'elle ait permis à la Chine notamment, à d'autres puissances montantes, de devenir aujourd'hui des pays très importants dans le monde contemporain, je ne le nie nullement, c'est l'évidence même. Et d'autre part, pour la façon dont vous considérez, que je considère moi-même, l'attitude des États-Unis, c'est jusqu'à 1970, 75, 80, c'est-à-dire lorsque, dans le sillage de leur victoire après la Seconde Guerre mondiale, ils pouvaient avoir encore une manière de faire chanter le monde, que les États-Unis ont profité de cette diffusion. Aujourd'hui, les fauteurs principaux de la diffusion de l'anglais, ce sont les pays complètement américanisés de l'Europe occidentale, de l'Asie du Sud-Est. Ce sont ceux-là, et pas les États-Unis. Par conséquent, ce à quoi j'en ai, finalement, ou ce pourquoi je lutte, c'est non pas du tout une lutte d'arrière-garde contre l'américanisation, c'est une lutte pour la diversification, la diversité, c'est cela mon principal objectif. Je suis, le français n'est nullement sur ce point une arme contre les États-Unis. La France n'a pas les moyens, ni peut-être l'ambition de supplanter sur ce plan la culture américaine par sa langue. Ce que je souhaite, ce qui me paraît du reste être l'avenir, que je vois profiler à l'horizon, c'est la diversité des cultures. Or, qu'on le veuille ou non, les Américains, souvent des néo-américains qui la défendent, qui la portent sur ses fonds baptismaux, ce sont des gens d'origine étrangère aux États-Unis qui ne se sont pas fondus complètement dans le melting pot américain et qui par conséquent portent en eux la diversité des cultures. Je dirais pour terminer que l'inspiration principale de mon livre, elle est américaine. Ce sont des amis américains qui m'ont convaincu de l'écrire. Ce sont des Américains éclairés, extrêmement

Je parle deux variantes du grec. D'abord, celle qui ne se parle plus, le grec ancien. Ensuite, la variante moderne. Quand j'ai eu un professeur de grec en Hippocane puis en Cagne avant le concours de Normale Sup, eh bien, j'ai demandé s'il voulait m'enseigner le grec moderne. Et il était très surpris parce qu'il était chargé d'enseigner le grec ancien. C'est-à-dire ce qu'on appelle katharevousa, helléniki. Et moi, je demandais dimotiki, le démotique, la langue des gens, celle que parlent les Grecs d'aujourd'hui, qui est évidemment issue du grec ancien, mais qui n'est pas la même langue.